Merci, béni soit l'Éternel, notre Dieu, qui nous a permis de réaliser une fois de plus cette quatrième émission et aussi cette quatrième soirée de prière sur les 30 avant le 2. Pourquoi le 2? Parce qu'il y a une grande manifestation spéciale à partir du 2. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Sur votre petit écran, nous allons aborder un point capital dans la vie qui est le mariage. Dans ce mariage, il y a parfois des envoûtements, il y a parfois des charmes, il y a parfois des pratiques qui envoûtent l'homme ou qui envoûtent la femme. Et voici l'une des pratiques que vous êtes en train de visionner sur votre petit écran. Cette femme qui enfonce un morceau de jambon dans son vagin pour envoûter son mari, son copain ou bien un client dans un restaurant. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc, nous savons tout simplement qu'elle est en train de mettre un jambon dans son vagin qu'elle dépose sur le plat. Elle ajoute la tomate ou bien du mayonnaise au-dessus et elle court donc pour aller servir ce monsieur, sachant que cette nourriture est déjà empoisonnée spirituellement. Empoisonnée spirituellement, pourquoi? Parce que c'est un esprit qu'elle vient de déposer sur d'abord son sexe. Son sexe est en train de véhiculer des esprits. Elle a invoqué l'esprit. Peut-être c'est un féticheur qui a donné l'instruction. Elle-même est déjà en danger. Et le monsieur qui va consommer ce repas est déjà aussi en danger. Le foyer est déjà en danger. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les femmes qui ont pratiqué ce genre de choses, des morceaux de viande ou bien le poisson, ou bien n'importe quel instrument satanique que vous allez utiliser, ou mettre des poudres dans le sexe avant de servir l'homme ou de servir la femme, les bonbons, les biscuits et autres. Nous parlons du mariage. Il y a un esprit qui s'appelle Séluma, un esprit dominateur. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et cet esprit domine le foyer parce que le diable n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas omniscient. Donc il a spécialisé des esprits dans des domaines précis. L'esprit qui détruit les mariages. L'esprit qui empêche les femmes de se marier, les hommes de se marier, qui brise les fiançailles, qui brise aussi les mariages, qui amène le divorce dans le foyer. Cet esprit, le rôle de cet esprit et aussi les signes, les symptômes qui accompagnent cet esprit lorsqu'il se trouverait quelque part dans un foyer, dans une vie, que ce soit la vie d'un homme, que ce soit la vie d'une femme, c'est ce que nous allons aborder. Nous allons détruire ses ramifications, détruire ses racines. Puisque nous parlons de l'amour, est-ce que l'amour donc se manifeste par le canal des pratiques comme ce que vous voyez sur votre petit écran? Les charmes, en passant bien sûr par le sexe, elle vient de mettre enfoncer un jambon, un morceau de jambon, ou jambon, on ne sait pas ce que c'est exactement, dans ses parties intimes, pour servir après ce monsieur, afin de pouvoir gagner le cœur de l'homme. L'amour filial correspond donc à l'amour fraternel. Donc, dans un foyer, le père et la mère vont faire des enfants, et ces enfants vivent ensemble en harmonie avec la parole de Dieu si vous êtes chrétienne de nouveau, parce que vous avez l'habitude de lire la parole de Dieu dans votre foyer, dans votre maison. Mais si vous n'êtes pas chrétienne de nouveau, il est impossible qu'il y ait effectivement l'amour filial que nous allons aborder aujourd'hui. Lorsqu'il n'existe pas, cet amour n'existe pas dans l'entente entre les frères et les sœurs dans un foyer, on comprend que ce foyer est dirigé par seulement le patron de la destruction. Donc, ils viennent de détruire lorsqu'il y a des mésententes entre les frères et les sœurs, les cousins et les cousines dans une famille, dans un foyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce foyer est absolument conduit par cet esprit qu'on appelle donc seulement les parents, les origines de ses parents proviennent essentiellement de Satan, parce que un homme qui n'est pas converti, sa vie appartient au diable si vous n'êtes pas converti. De nos jours, il est rare de rencontrer un foyer où l'amour filial existe véritablement. Alors permettez-moi de soulever deux questions. Est-ce que l'entente était cordiale entre ton père et ses frères, pour commencer, pour comprendre que tes racines sont polluées ou elles sont saines. Comment était la qualité des relations entre ta mère et ses sœurs, entre ta mère et ses frères? Pourquoi nous posons ces questions lorsqu'on pratique par exemple la cure d'âme? Et s'il y avait des problèmes entre ta mère et ses frères et ses sœurs, entre ton père et ses frères, ses sœurs, ça veut dire que dans ce foyer, dans cette famille, le patron qui dirige cette famille d'une manière héréditaire s'appellerait un démon destructeur, démoliseur des foyers au nom de Séléma. Dans une famille où des frères ne s'entendent pas, ce sont des bagarres, la sorcellerie, des critiques à outrance et bien d'autres pratiques aussi. On comprend que ce foyer, ce mariage, ou bien ce village, cette famille est absolument conduit par cet esprit. Donc il y a eu des pratiques comme celles que vous voyez, où les femmes ont pratiqué des choses comme ça pour attirer les cœurs des maris. Vous allez connaître des divisions. Vos enfants vont naître avec ces esprits. Ce qu'elle est en train de faire, elle met ça sur la partie intime qui est une partie de reproduction. Il y a des enfants qui vont sortir par le canal de cette partie de cet utérus qui est aujourd'hui pollué. L'utérus qui amène les femmes aussi à concevoir. Mais voilà que c'est l'utérus qui est devenu une enveloppe qui porte tous les démons, tous les esprits. Et par le canal de son sexe, elle contamine le mari. Elle détruit la vie du mari, elle détruit sa propre vie, elle détruit la vie des enfants qui vont sortir par le canal de ce sexe. Donc, si tu es issu d'une famille semblable, dans ton propre foyer, tu n'es pas à l'abri de ce genre de choses, à cause des liens qui te suivent depuis de longues années, depuis ta naissance. Elle est en train de pratiquer, de poser un acte qui va polluer, l'existence des enfants qui vont naître, et ça ira de génération en génération. Donc les problèmes de foyer qui ont commencé dans ta vie aujourd'hui, ne pense pas que ces problèmes sont personnels. Ces problèmes sont d'origine héréditaire, pour commencer. Comme nous parlons aussi des autres origines comme originelles, le péché qu'on appelle le péché originel. C'est par le sexe aussi, par l'utérus, Adam, la femme Ève a conçu, c'est le même sang qui a été pollué par la malédiction adamique, et ainsi de suite. C'est un mal difficile à discerner, et on croit souvent qu'avec le temps, tout ira bien. Dans notre famille, tout ira bien, on donne des conseils, ça ne peut pas aller. Les simples conseils, ça ne marchera pas. Le mariage, c'est une institution de Dieu. Lorsque ce mariage n'est pas fondé dans la parole de Dieu, quel est donc le mariage qui est fondé dans la parole de Dieu? Il y a des mariages qui commencent à deux, c'est-à-dire je rencontre une femme, on commence à avoir des rapports sexuels. Là, automatiquement, il y a une pollution spirituelle dont Suleyman est le patron. Lorsque vous aviez eu des rapports sexuels avant le mariage, avant la bénédiction, même si vous vous êtes marié bien après, étant déjà chrétien né de nouveau, n'en parlons pas, Dieu ne touche pas encore les cas des païens. Pour un homme ou une femme qui se sont rencontrés dans une église, par exemple, et avant de doter, parce que la dot est biblique, moi j'ai entendu beaucoup de prédicateurs qui disaient la dot n'est pas biblique, ce sont de faux enseignants, ce sont des faux docteurs, la dot est absolument biblique. Alors, si vous aviez doté votre femme, et puis après la dot, c'est-à-dire ça se passe en famille, la Bible déclare que le père donne sa fille en mariage. En quel moment le père donne sa fille en mariage? Point d'interrogation. C'est le père, 1 Corinthiens chapitre 7, qui donne sa fille en mariage, dit la Bible, la parole de Dieu. Alors, en déposant quelque chose de symbolique, la dot. Lorsque la dot a été aussi exagérée, je dis bien exagérée, c'est-à-dire, il y a des parents qui vendent leur fille. Ça aussi, c'est ce démon dominateur. Tu as livré ta fille à la malédiction, tu as vendu, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice, c'est un acte de sorcellerie. Donc, dans toutes les familles, la plupart des gens qui ont doté d'une manière exagérée la femme, sachez que votre foyer a pour fondation ce seulement. Vous, il vous faut absolument la délivrance. Et cette délivrance passe par des hommes de Dieu. Alors, si ça ne passe pas par les hommes de Dieu, parce qu'il n'y a pas l'auto-délivrance, ça n'existe nulle part. L'auto-délivrance dont on se délivre soi-même. Alors, c'est un mal difficile à discerner. Et pourquoi c'est difficile à discerner? Parce que c'est d'abord un problème héréditaire. On doit d'abord chercher la réponse sur les pratiques ancestrales. Parfois, lors des dots, on parle d'un mariage coutumier où on invoque des esprits avec des colas. Je dis bien des esprits avec des colas, avec des sacrifices parfois d'animaux, ou bien d'autres instruments de coutume, des traditions. Alors, la parole de Dieu dans Colossiens dit, prenez garde, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions, sur les coutumes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alors lorsque le mariage n'est pas fondé sur Christ, comme le dit la parole de Dieu, Éphésiens chapitre, nous sommes dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 22. C'est Christ qui parle par la bouche de Paul. Et qu'est-ce qu'il dit? Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est aussi le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alors, lorsque votre femme n'est pas soumise, ça veut dire que le mariage est conduit par qui? Par seulement le démon vampire qui détruit le mariage, qui détruit la relation qui vient de Dieu. Je parle d'un mariage qui a été célébré selon la volonté de Dieu, pas selon les coutumes, pas selon les traditions. Si c'est selon la coutume, selon la tradition, ça c'est absolument démoniaque, donc ce démon est à la fondation de votre mariage. Alors, pourquoi la Bible le dit? Le Nouveau Testament appelle constamment à une existence avec une autre dimension, à une nouvelle façon de penser, d'agir et de vivre. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'aiment pas entendre parler de la Bible. Parce que on a toujours accusé les églises de réveil en disant « ces églises-là détruisent les mariages ». Mais quand tu regardes bien, c'est pas vraiment un mariage. Quelqu'un vit en concubinage avec une fille qu'il a rencontrée il y a de cela 8 ans, 9 ans. Il continue à appeler ça mariage. Mais c'est pas ce que le Nouveau Testament appelle mariage. C'est pas ce que la Bible appelle mariage. Et lorsque la femme va quitter parce qu'elle a reçu le Seigneur, le monsieur va donc insulter copieusement les pasteurs en disant « ce sont des gens qui détruisent les mariages ». Est-ce que tu es marié avec cette femme? Sais-tu réellement ce qu'on appelle mariage? Vous êtes marié et la fondation de votre mariage, c'est seulement le démon dominateur. Lorsqu'un homme ne t'avait pas doté et que le père n'a pas pris sa fille et donné en mariage, c'est un mauvais signe. C'est un signe qui prouve que vous avez besoin de la délivrance. La femme a besoin de la délivrance, l'homme aussi a besoin de la délivrance. Et si votre mariage n'a jamais été béni, parce que après la famille, il faudrait que l'acte de mariage, la Bible précise que tout homme doit être soumis, toute personne doit se soumettre aux autorités. Et les autorités ont établi un concept qu'on appelle, un principe qu'on appelle l'acte de mariage. Vous n'avez donc pas un acte de mariage. Il y a ceux qui ont commencé par l'acte de mariage sans voir les parents, sans toutefois doter. Et ça aussi, c'est l'action de celui-là. Il vous faut absolument la délivrance, vous deux. La délivrance, sinon votre foyer va connaître des problèmes intenses. La femme va essayer d'entretenir ou bien de garder le mari en faisant ce genre de pratique que vous voyez sur votre petit écran, en mettant les morceaux de viande et autres dans la partie intime de son corps. Vous voyez ce que ça donne. Elle vient de confier son mariage à Satan, au démon, au diable, à celui-là dont je suis en train de développer ses actions dans les foyers. Alors, est-ce que, avant de dire, il y a beaucoup de femmes qui appellent et qui demandent de prier, prier pour moi parce que mon mariage, est-ce que ton mariage a une fondation biblique? Il y a l'acte de mariage et que le jour de l'acte, le père était là, la mère, les deux familles étaient là. Je dis bien le jour de l'acte. Le jour que l'acte a été signé, le père était content, la mère était contente et en même temps, les deux familles étaient là, ils ont accepté le mariage. Et après, la mairie ou bien la préfecture, je ne sais pas, ça dépend de l'organisation administrative de votre pays. Et puis vous vous rendez donc à l'église si vous êtes déjà croyant, né de nouveau. Et le pasteur, l'homme de Dieu, bénit donc le mariage. On ne marie pas à l'église, mais on bénit le mariage qui a été consommé ou en famille. Le monsieur n'a jamais vu le père de la fille. Tu as rencontré une fille dans une boîte de nuit, dans une église où vous vous mariez, à l'étranger vous vous mariez, entre guillemets vous vous mariez, vous commencez à vivre. Vous ne pouvez pas appeler ça logiquement, spirituellement, le mariage. Votre mariage a pour fondation, c'est l'humain. Il vous faut donc la délivrance. Et la Bible exhorte que la femme doit être soumise. Observe donc ta femme. Est-elle soumise? Lorsque tu fais des petites reproches à ta femme, sa réaction est comment? Si cette réaction est violente, alors tu dois comprendre que c'est un problème démoniaque. Elle a besoin de la délivrance, toi aussi tu as besoin de la délivrance. Elle doit être soumise selon la parole de Dieu. Et ceci arrive tout simplement lorsqu'on a revêtu l'homme nouveau, c'est-à-dire la nouvelle naissance, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 24. C'est accomplir la haute vocation par laquelle nous avons été appelés à vivre une vie complètement nouvelle, d'une façon complètement nouvelle, contrôlée par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit devient la fondation de votre foyer, non plus le démon. Ce que vous voyez sur votre petit écran, c'est le démon qui est la fondation de ce foyer. S'il n'était pas encore marié, elle est en train de charmer un homme par la nourriture. Elle est en train d'empoisonner le corps, empoisonner l'âme, empoisonner. Ce qui va détruire les finances de ce monsieur. Qui va détruire les finances de cette femme. Les finances de la prospérité dans le foyer sera détruite. Donc chaque femme qui a pu faire ça, non seulement mettre les aliments, mettre des choses, d'autres versent des urines dans la nourriture que l'homme va manger. Il te faut la délivrance, toi-même, madame. Il te faut la délivrance, monsieur. Il y a d'autres également qui utilisent les menstrues, indiquées toujours par les féticheurs. Les menstrues, les tampons, elles utilisent ça. Elles pressent l'eau des menstrues, ou le sang des menstrues, dans la nourriture que l'homme va consommer. Et puis le monsieur va consommer cette nourriture avec appétit, ne sachant pas que il va commencer à aimer la femme. Et ça sera dramatique dans le foyer, spirituellement, financièrement, physiquement. Des maladies cardiovasculaires, des maladies du sexe, les infections et autres. Que ce soit l'homme, cette qualité de personne qui a toujours des boutons au niveau du pubis. Ce sont des signes qui prouvent que ce célibat, ce démon dominateur est en train de frapper. Les enfants qui vont naître, il y aura des divisions. Ce sont des signes qui prouvent également que votre maman a pratiqué ce genre de choses, que votre père a pratiqué ce genre de choses. Lorsque dans votre famille, vous allez division sur division, vous ne vous entendez pas. Vous essayez réellement de forcer, on ne force pas. En l'absence de l'amour filial, ta famille ne peut pas se réjouir de ton mariage. C'est pourquoi il y a des jalousies. Le jour que toi tu te maries, tes sœurs sont jalouses, les frères sont jaloux, beaucoup de personnes sont jaloux, beaucoup de personnes sont jalouses. Tu ne comprends pas, et même parfois des envoûtements. On parvient à t'envoûter. Et pourquoi ils parviennent à t'envoûter? Tout simplement parce que il y a un problème de jalousie. La parole de Dieu est très puissante et c'est l'amour qui en est le moteur. Quel type d'amour alors? Est-ce que c'est ce genre d'amour que nous voyons sur notre petit écran? Non. Il s'agit de l'amour qui est fondé sur la parole de Dieu. L'amour filial est agapé, évoqué dans le livre de Philippiens chapitre 2 à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Si vous lisez Philippiens chapitre 2 à partir du premier verset jusqu'au verset 11, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme. Est-ce que toi et ta femme, vous avez un même sentiment? Est-ce que toi et ta femme, vous avez un même amour? Ou bien la femme qui épouse, qui t'a épousé, ou bien toi aussi tu as épousé cette femme par intérêt. Intérêt veut dire, tu as plutôt aimé son corps, parce qu'elle est ronde, elle a les parties corporelles rondes, mais le jour qu'elle tombera malade, tu ne vas plus l'aimer. Parce que le monsieur a beaucoup d'argent, et tu aimes ce monsieur, voiture, maison et autres, beaucoup d'argent dans les comptes bancaires. C'est un amour qui est fondé sur quoi? Sur seulement, rien à voir avec la parole de Dieu. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, mon intérêt, l'argent dans le foyer. Tout ce qu'elle fait là, c'est son intérêt. Ce n'est pas à cause de l'homme. Parce qu'elle est en train de forcer la pensée de l'homme. De violer la pensée de l'homme par un acte mystique, un acte de magie. Forcer l'homme à l'aimer. Or, le monsieur ne l'aime pas. Elle a un intérêt particulier. Il faut qu'il m'aime. Est-ce que tu es sûr que ce monsieur t'aime? Est-ce que tu es sûr que cette femme t'aime? Lorsque tu vas charmer, il y a beaucoup d'hommes aussi qui charment les femmes. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur. Ce qui est difficile dans les foyers. Très difficile, les foyers modernes aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible est banalisée. La Bible est rejetée. Donc, il vous faut ce qu'on appelle effectivement l'amour agapé ou bien l'amour filial. C'est très important. Quand nous faisons cette lecture de ce verset qui venait d'être lu, nous convenons que la parole de Dieu est une lumière véritable sur le monde entier. Sur le monde entier. Comme le dit déjà Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1er. Que la lumière luit dans les ténèbres l'ont point reçue. Si cette femme avait la lumière, elle ne pouvait pas aller jusqu'à envoûter son mari de cette façon. Donc, la femme qui n'est pas soumise. Et de l'autre côté, la Bible précise que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme doit aimer sa femme. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole de Dieu, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Est-ce que ton mari te nourrit? Alors, est-ce que ton mari prend soin de toi? Dans le cas où ton mari ne prend pas soin de toi, c'est donc ce démon, celui-là, qui est à la base de votre mariage. Est-ce que le mari te nourrit comme il nourrit son corps? Est-ce que le mari travaille pour nourrir ou c'est toi qui travailles pour nourrir l'homme, comme ça se passe généralement en Occident? Dans beaucoup de couples que j'ai rencontrés en Occident. C'est plutôt le contraire. Donc, madame, sache que Il te faut la délivrance. Il arrive parfois que le mari a l'argent, a les moyens, mais il ne parvient pas à nourrir, à prendre soin de sa femme, à prendre soin de sa femme, et même des enfants et autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un démon, un esprit qui est à la base, à la fondation de votre relation. Lorsque vous étiez fiancé, ou bien quelqu'un te faisait la cour, mais alors, est-ce que simple petit cadeau comme ça se fait parfois, ou bien il faisait des cadeaux, mais après le mariage, tout s'est arrêté. Lorsqu'il a eu ce qu'il voulait, tu es déjà dedans, tout s'est arrêté. Il arrive aussi que le mari ne prend pas soin au niveau de l'habillement. Parce que si tu aimes quelque chose, tu dois protéger, tu dois laver. Quand moi j'aime ma voiture, je lave cette voiture presque tous les jours. Il arrive parfois que mon épouse me demande, mais ta voiture là, c'est déjà un bébé. Parce que j'aime cette voiture. Je prends l'exemple de quelque chose que tu aimes. Et quand tu aimes ta femme, c'est la même chose. Tu fais tout et tout pour prendre soin d'elle. C'est ce que dit la Bible. La Bible ne demande pas à la femme de prendre soin. Prendre soin ici, c'est dans un cadre matériel. Prendre soin, nourrir. Comme tu nourris ton corps, tu prends soin de ton corps, tu laves ton corps, tu protèges, tu mets l'huile, tu fais tout et tu soignes ce corps. C'est la même chose, ce que tu dois faire également sur ta femme. Alors si la femme ne reçoit pas ça, elle doit comprendre que elle a besoin de la délivrance. Donc ces prières sont importantes pour toi. Très très importantes. La vie est faite de relations importantes. Et la plus importante est celle qui unit un homme et une femme par les liens du mariage. Pierre l'appelle la grâce de la vie. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Mais le plein épanouissement de cette relation n'est pas facile à atteindre. Il est rare aujourd'hui de voir un mariage qui devient meilleur, plus enrichissant et plus satisfaisant alors que les années passent. C'est très rare. À cause de quoi? À cause des démons. À cause de quoi? Parce que on s'est écarté de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. C'est pourquoi nous posons beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. En ce qui concerne le mariage, on doit d'abord considérer le problème héréditaire. Lorsque ton père, tu as vécu avec ton père, avec ta mère, tu es né dans une union normale, avec un père et une mère légalement mariés. Alors le père ne prenait pas soin de ta mère. Il ne nourrissait pas aussi ta mère. Alors sache que tu as également ces liens, même si le mari t'aime maintenant. Tu as besoin de la délivrance, premièrement. Parce que le démon est comme le VIH. Il peut rester dans ton corps plusieurs années. Le jour qu'il se réveille, ta condition sera pire. Parce que tu n'as pas pris soin. Tu n'as pas pris soin de toi-même. Tu dois prendre soin. Et si la Bible dit que la femme doit se soumettre, que chaque femme soit soumise à son mari. Il n'est pas commandé à la femme d'obéir à son mari, comme il est commandé aux enfants d'obéir à leurs parents et aux esclaves, à leur maître. Mais un mari ne doit pas traiter sa femme comme une servante. Alors, si ton mari te traite comme une servante, ça veut dire que ce foyer-là est sur une mauvaise fondation de seulement le démon. Je dis bien si le mari te traite comme une servante. Mais, elle doit te traiter égal à égal. Comme une égale dont Dieu lui a donné la responsabilité et le soin afin qu'il pourvoie à ses besoins et la protège dans l'amour. Elle n'est pas sous son commandement, prenant ses moindres désirs pour des ordres, comme la plupart des maris le font. Il prend ses moindres désirs pour des ordres. Il donne des ordres comme s'il donne des ordres à un enfant. Donc, si ça arrive dans ton foyer, madame, ou bien ça t'arrive, monsieur, de donner des ordres à ta femme comme si c'était à un enfant que tu donnes ce genre d'ordres, alors tu dois comprendre que vous avez besoin de la délivrance. Et il faut d'abord examiner le passé, quelle relation le père avait avec ta mère, et là tu comprendras que tu as besoin aussi de la délivrance sur les liens héréditaires. Lorsque la Bible dit il son mari, comme pour souligner l'intimité et la mutualité de la soumission de la femme, elle est soumise volontairement à celui qui est à elle, comme son mari. Volontairement. C'est pas avec des coups de fouet. C'est pas avec des coups de poing. Lorsque le mari bat, tape, gifle, donne des coups de pied, comme ça se passe généralement dans beaucoup de foyers, ça veut dire que la fondation, c'est qui? C'est l'humain. Vous avez besoin de la délivrance. Vous deux, vous avez besoin de la délivrance. Là, nous sommes en train de toucher quelques éléments seulement. Ce qui se passe dans les foyers. Si l'argent devient rare dans votre foyer, vous êtes mariés légalement, sache que tu as besoin de la délivrance. Vous deux. La Bible précise que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la Bible dit il les a bénis. Si votre foyer, il les a bénis comment? Matériellement. Il les a bénis comment? Spirituellement aussi. Ils avaient une relation avec Dieu. Une relation intime avec Dieu. Est-ce que votre foyer a une relation intime avec Dieu? Ou bien vous avez une relation avec des fétiches? Vous avez une relation avec des coutumes? Avec des traditions? Ça, c'est la fondation de Séléma, le vampire. Convenons, le vampire est Séléma, le destructeur des foyers. Vous devez absolument passer à la délivrance. Sinon, vous allez achever votre course sur terre dans un désordre, dans un chaos. Pas possible. Vous voyez. Pour faire cesser dans les activités des intrus sataniques, parce qu'à la deuxième vidéo, nous allons parler des intrus. Mais nous commençons par aussi, les intrus sont de qui? Des sorciers. Dans la famille, il y a toujours des intrus. Des sorciers qui ne veulent pas voir votre mariage, qui ne veulent pas voir la fille rire dans son mariage, se réjouir de l'amour de son mari, se réjouir des moyens financiers de son mari. Le mari donne de l'argent, il y a des parents qui ont envoûté l'homme de ne pas donner de l'argent, de ne pas prendre soin de sa femme, mais les parents de la fille, c'est pas les parents du mari toujours, mais les parents de la fille elle-même le jour de la dot. Ils vont envoûter ton mari afin que le mari ne puisse pas prendre soin de toi. Ça se passe comme ça généralement. Et dans beaucoup de familles de nos jours, nous avons aussi beaucoup de personnes. J'ai dit beaucoup de personnes qui ont connu des problèmes graves le jour de la dot. Il est allé doter sa femme. Et le jour de la dot, qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, c'est des bagarres. Ou bien la belle famille qui refuse de prendre la dot. Parfois, ce sont des disputes. On ne m'a pas donné ceci, on ne m'a pas donné. Ce sont des moyens que les sorciers, ils trouvent une occasion, ils provoquent une occasion d'envoûter, de détruire votre mariage. S'il y a eu des engueulades, s'il y a eu des chamaillements, s'il y a eu des histoires, des problèmes le jour qu'on t'avait doté, ou bien le jour du mariage même, sache que ils ont introduit, ils ont provoqué C'est ça le système de la sorcellerie. Ils ont provoqué ça pour pouvoir vous envoûter, vous deux. Pour pouvoir détruire votre foyer. Financièrement ou matériellement, ça dépend. Donc beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent dans des problèmes graves. Pourquoi? Parce que le jour du mariage, d'autres ont exigé qu'on nous donne ceci et tu n'as pas pu donner. Les oncles se sont fâchés. Et ça a été une occasion de vous envoûter, de vous détruire. Et il y a aussi des parents, de l'homme qui sont parfois fâchés, énervés, qui ne veulent pas que leur fils épouse cette fille. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent les ressources financières du monsieur pour que tu ne puisses jamais avoir des moyens financiers pour pouvoir doter cette fille. Ou bien garder cette fille. Ils commencent à dire, c'est cette fille qui bouffe l'argent. Ils veulent trouver une occasion pour pouvoir vous envoûter. Quand la belle famille, la famille de l'homme commence à dire, voici, c'est cette fille-là qui bouffe ton argent, qui mange ton argent, c'est-à-dire ils ont déjà trouvé une occasion de vous détruire financièrement. Ils ont réussi. Et vous allez commencer à connaître des problèmes graves. Il vous faut la délivrance. Si ton père a été violent dans le foyer, si ta mère a été violente, si il y a eu des choses d'insoumission de la part de ta mère, s'il y a eu des maladies, ta mère a été touchée par des maladies dans le foyer, ta mère a été rejetée par la belle famille, dont la famille de l'homme, sache que ces démons, ces esprits sont également dans ta vie. Toi, madame, il te faut la délivrance. Ou bien l'homme a été rejeté par la belle famille. Votre fondation, c'est quoi? C'est seulement effectivement. Ou bien l'un de vous a envoûté l'autre chez un féticheur, chez un marabout charmé. Sachez que c'est également seulement qui est le patron dans votre famille. Vous devez absolument chercher la délivrance. Et si il n'y a pas cette délivrance, vous allez connaître des problèmes énormes. Dans la famille, est-ce qu'il y a eu des pratiques, par exemple, l'horoscope, quand tu étais encore dans la famille, tu n'étais pas encore marié. Les consultations des morts, par exemple. Les pratiques de bonne aventure, par exemple. La cartomancie, pour ceux qui sont en Europe. Appeler, par exemple, les centrales téléphoniques pour pouvoir soumettre votre problème de fiançailles, si ça va marcher ou bien ça ne va pas marcher. D'autres mouvements spirites qui existent en Europe. Avez-vous été impliqué dans les groupes, des groupes comme Ekankar, Message Grêle, la Fraternité Blanche, le ministère de la Voix, le Way, les histoires, les sectes communes également, les sectes orientales, avant de se marier. Il te faut la délivrance. Et lorsque tu étais enfant, on te disait toujours que tu es la réincarnation de tel, tu ressembles à telle personne dans la famille qui est morte ou bien qui vit encore, tu ressembles. Tu ne ressembles pas à ton père, tu ne ressembles pas à ta mère, tu ressembles seulement à un membre de la famille. Et parfois, dans la coutume, on te dira que tu es la réincarnation de tel. Ou bien tu portes le nom d'une personne dans la famille. Le nom de cette personne-là, tu as aussi hérité les démons de cette personne. L'homonyme, par exemple, ne pense pas que tu portes seulement son nom. Tu portes également ses démons. Parce que quand on t'appelle avec son nom, les démons reconnaissent l'identité spirituelle par le nom. Tu portes le nom de qui dans la famille? Est-ce que cette personne était mariée? Est-ce que cette personne a souffert dans le mariage? Est-ce que cette personne est morte célibataire? Voici comment tu dois faire le discernement toi-même avant de commencer la prière aujourd'hui. Les marabouts que tu as consultés, les féticheurs, les traditions que tu as rencontrées, parce que tu avais un problème d'affection, un problème de mariage, un problème sentimental. Tu as livré ton mariage à celui-là avant de se marier. Peut-être une... C'est pourquoi il y a trop de célibat aujourd'hui. Trop. Des fiançailles brisées. Un seul fiançaille brisée veut dire que celui-là est là dans ta vie. Même si tu t'es marié bien après. Mais il y a eu d'abord premier fiançailles brisé, ou bien deuxième. Si c'est seulement un seul qui a été brisé, mais sache que celui-là est dans ce foyer-là. Même si tu es déjà marié, il te faut la délivrance. Il te faut absolument la délivrance. Est-ce qu'on avait lavé ton corps, soi-disant lavé la malchance? Est-ce qu'on a lavé ton corps avec le sang des boucs? Avec le sang des animaux? Voici les pratiques, soi-disant enlever la malchance. Mais on a introduit le démon seulement, il te faut la délivrance. Vous a-t-on récolté des cheveux, des ongles, ou bien la saleté de corps? Est-ce qu'un homme avait pris tes cheveux? Pendant que tu n'étais pas encore marié, tu as rencontré des hommes, tu dormais avec cet homme-là, et parfois il prend tes cheveux. Mais toi-même, tu ne le sais pas. Dans les salons de coiffure, on prend des cheveux. Moi, j'ai des témoins dans notre deuxième vidéo, parce que ce thème-ci va englober au moins 2 ou 3 vidéos, avec des explications. Des explications très claires. Absolument claires. Votre père ou votre mère dans le foyer, l'un d'eux était-il violent envers vous? Est-ce qu'il lui manquait l'amour? Parce que il portait un choix essentiel sur un enfant et toi, tu étais négligé. Tu étais méprisé. C'est une mauvaise fondation. C'est un esprit de rejet. Et l'esprit de rejet égale seulement un démon dominateur. J'ai déjà parlé de ça. Comment votre père traitait votre maman? Avec mépris? Avec mépris? Y a-t-il un problème de dépendance dans votre famille? L'alcool? Dans le mariage que ton père était marié, mais il y avait l'alcool. La mère buvait. Le père buvait. Et toi-même, peut-être, tu as aussi commencé à boire. Et quand ton père buvait, qu'est-ce qui sortait de sa bouche? Ton père vous maudissait sous le pouvoir, sous la puissance de l'alcool. Même si tu n'as pas entendu, un homme qui boit et qui a des enfants finit toujours par les maudire. Une femme qui boit l'alcool et qui a des enfants finit toujours par les maudire. Dans le foyer, comment je vous dis ce que celui m'a fait? Dans le foyer, sous le pouvoir, sous la puissance de l'alcool, l'homme expose son sexe devant ses filles. La femme expose également sa partie intime devant ses fils, devant les enfants. Elle ne protège pas. Et ceci, la Bible déclare, si tu découvres la nudité de ton père, ta mère, tu es maudit. Tu es maudit. Lorsqu'il y a eu des problèmes d'ivrognerie dans votre foyer, il vous faut la délivrance. Donc je vous amène à faire vous-même votre discernement, diagnostic. C'est pourquoi il est normal d'avoir une feuille. Vous notez tout ce que je dis. Ça vous amène à prier valablement. Dieu veut que l'homme et sa femme vivent ensemble dans l'amour et l'unité. Toute une vie, pas la séparation. L'alliance du mariage ne doit pas être rompue, quelle qu'en soit la raison. Le plan original de Dieu est que seule la mort devrait séparer un couple. Cependant, il y a beaucoup de forces qui cherchent à détruire le mariage. Beaucoup de forces démoniaques, dont le patron est celui-là. Et ce démon opère en plantant des aimants matrimoniaux maléfiques dans le foyer, en mettant des autels. Il y a donc beaucoup de maladies qui frappent. Le démon seulement se manifeste dans le foyer physiquement par de telles maladies comme la tuberculose, le diabète, le cancer, le VIH-Sida. Parce qu'il veut éliminer le plus tôt possible pour amener l'autre conjoint à souffrir. Parce que quand tu perds ta femme, tu dois souffrir. Quand tu perds ton mari, tu dois souffrir. Et c'est pourquoi il est introduit dans des maladies telles que la tuberculose, le diabète, le cancer, le VIH, la tension, les maladies, l'asthme, l'hépatite, les anémies, la drépanocytose, le zona, les hémorroïdes, l'ulcère, les problèmes d'estomac, parfois l'épilepsie. Vous allez voir ce genre de choses dans ta famille. Je parle là du côté physique, constamment malade. L'argent qui pouvait être utilisé est dépensé dans les hôpitaux. Et parfois des choses semblables. Ce démon est le directeur général de tous les foyers. Les foyers qui n'ont pas subi la délivrance. Je dis bien le PDG. Le PDG. Donc, nous devons commencer à détruire. Je dois d'abord vous dire quelque chose. Jérémie, chapitre 1er, verset 10. Dit ceci, regarde. J'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Nous sommes au début de l'année. C'est pourquoi j'ai introduit ce programme de prière. Non seulement de prière, mais la connaissance. Nous devons analyser bibliquement beaucoup de choses. Enseigner beaucoup de choses. Alors, tu dois commencer, puisque Dieu dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Tu dois commencer donc les prières. Tu dois commencer ces prières pour détruire, pour abattre. Je rejette de moi tout esprit de fatigue, de faiblesse, de défaite dans le foyer. Tu dois commencer comme ça, parce que je commence à t'enseigner comment prier. Les disciples ont demandé à Jésus comment il faut prier. Quand Jésus a dit « Notre Père qui est aux cieux », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a une révélation derrière. Est-ce que Dieu est ton père? Dieu n'est pas le père de tout le monde. Dieu est le créateur de tout le monde, mais il n'est pas le père de tout le monde. On devient enfant de Dieu par le canal de la nouvelle naissance. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus te nettoie, te délivre du péché originel, te délivre aussi des liens héréditaires. Ce qui a été dit tout à l'heure sur le démon seulement. Voilà ce qui se passe. Donc, tu dois commencer par dire, je rejette de moi tout esprit de fatigue, la fatigue spirituelle. Il y a des gens qui n'aiment pas prier dans le foyer. Dans votre foyer, vous n'aimez pas prier, seulement est à la base. Vous n'aimez pas lire la Bible, les enfants n'aiment pas lire la Bible, c'est la télévision, c'est des jeux, seulement et à la base. Si vous aviez vécu dans un foyer où on ne lisait jamais la Bible, vous étiez tous des religieux, on va à la messe seulement pendant les fêtes de fin d'année. C'est un esprit, cet esprit-là travaille à la fondation et le patron, c'est seulement de faiblesse. Et c'est si dans votre foyer, il y a ce qu'on appelle la faiblesse spirituelle, la faiblesse au niveau de l'amour. Ton mari t'aimait auparavant, mais aujourd'hui tu constates qu'il ne t'aime pas. C'est une faiblesse. La faiblesse sexuelle aussi, La virilité, ça manque dans le foyer. Il y a aussi des problèmes, manque de libido dans le foyer. Entre toi et ta femme, vous passez des jours, des semaines, des mois, voire des années. Des défaites, défaites en tout, des défaites financières, des défaites, les ennemis, les sorciers vous tabassent, les sorciers vous envoûtent, c'est une défaite face à Satan. Donc tu dois commencer au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne à tous genoux, des choses au ciel, sur la terre et dans la mer, sous la terre, de fléchir devant moi, parce que j'ai Jésus. J'ordonne à ces choses d'être liées. Jésus-Christ a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié également au ciel. D'être lié. Je ne dis pas que c'est moi seul qui dois prier pour toi. Toi aussi tu dois prier. Si tu ne pries pas, ça veut dire que tu as une faiblesse. Je demande que la présence de Dieu m'enveloppe. Que la rosée, l'huile d'onction qui brise les jougs tombe sur moi et passe à travers moi pour apporter une grande délivrance. Comme il est écrit, cela doit arriver aujourd'hui, que le fardeau du mari, de la femme, de nuit, dans le foyer, tu dors derrière ton mari et tu fais des rêves, que tu as des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et parfois, c'est réellement le visage de ce monsieur que tu vois, ton mari, ou bien ta propre femme. Mais c'est dangereux, c'est pas lui, c'est un démon. La racine, c'est seulement, il te faut la délivrance. Il faudrait être là le 2, le 3, et chaque vendredi, ce dimanche ici, tous les dimanches, au Table des Nations Paris, tous les dimanches, on fait des délivrances. Ne manquez pas. Tous les dimanches à partir de 9h. Il faudrait venir. C'est important. Répète cette phrase. Par la grâce de Dieu, j'ai accepté Jésus-Christ et je suis maintenant sauvé. Jésus même, il a versé son sang pour moi. Il m'a lavé dans le même sang, m'a racheté des mains de mon ennemi convenu. Seulement, tu commences, les démons dominateurs. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Jésus l'a détruit. C'est lui qui avait le pouvoir de la mort, de la destruction de mon foyer, de mes relations. Maintenant, je ne mourrai pas. Mon mari ne mourra pas. Ma femme ne mourra pas. Mes enfants. Lorsque ton père et ta mère perdaient les enfants, tu as perdu les grandes sœurs, tu as perdu les petits frères, tu as perdu seulement et dans ce foyer-là. Lorsque les maladies bizarres vous attaquent, lorsque étant déjà marié, on vous étrangle bizarrement. Dans le rêve, on vous étrangle bizarrement. Ou vous aviez perdu votre bague de mariage bizarrement. Votre alliance de fiançailles bizarrement. Tout ceci, ce sont les démons. Maintenant, je ne mourrai point. Tout pouvoir au ciel et sur la terre appartient à mon Seigneur. Tu continues à prier. Tout pouvoir appartient à qui? À mon Seigneur. Au nom de Jésus, je rejette et brise tout lien avec le royaume des ténèbres à travers celui-là. La relation avec celui-là doit être détruite. Une relation consciente ou inconsciente. Parce qu'il y a ce qu'on appelle sorcellerie inconsciente et sorcellerie consciente. Il y a des gens qui sont sorciers réellement, mais ils ne savent pas qu'ils sont des sorciers. Ils ne savent pas. Au nom de Jésus, que toute dot spirituelle, jamais payée sur moi, ou bien payer sur moi. Ce sont des dots. Il y a des dots spirituels. À la prochaine émission, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une dot spirituelle. Il y a des dots spirituels. Et lorsqu'on t'avait doté spirituellement, c'est difficile pour que tu trouves le mariage. Difficile pour que tu te maries. Difficile pour que toi-même tu trouves le mariage. Difficile, même si tu trouves le mariage, tu finiras par divorcer à cause de la dot spirituelle. Parce que tu appartiens à un autre homme, tu appartiens à une autre femme. Toi, monsieur, toi, madame. Donc tu dois commencer par briser la dot spirituelle. La dot spirituelle que toute justification légale d'une dot, sous forme d'une dot, ou bien d'une promesse, de vœux et d'alliance faite en ma faveur dans le domaine de la sorcellerie, soit brisée par le sang de Jésus-Christ. Toutes les vieilles choses sont passées. Je renonce à tout. À tout. À la dot spirituelle. Aux alliances spirituelles. Touchant seulement le démon destructeur. Toute alliance qui me lie fortement à un mariage spirituel soit brisée. La pauvreté matérielle dans le foyer doit être brisée. Cette alliance doit être brisée. Peut-être tu es né dans un foyer pauvre. Tu as des alliances spirituelles avec la pauvreté. Je répète que tu as des alliances spirituelles avec la pauvreté. Dans le foyer, qu'est-ce qui vous est arrivé de faire des fausses couches? J'ai dit bien fait de faire des fausses couches. Ce sont des alliances de sacrifice. Toute alliance qui me lie, répète cette phrase, toute alliance qui me lie fortement à un mariage spirituel soit brisée. Car il est écrit, Dieu a établi une nouvelle alliance avec moi. Et toutes les autres sont anciennes et annulées. Les autres alliances sont anciennes et annulées au nom de Jésus. L'alliance de maladie, l'alliance de mort. Peut-être tu as perdu le mari, tu as perdu la femme. Tu as perdu tes frères bizarrement. Tu as perdu ta mère bizarrement. Tu as perdu ton père bizarrement. Les gens meurent d'une façon précoce dans votre famille. Alors là, il faut que le destructeur seulement soit lié et que cette alliance soit également brisée. Il est écrit, Dieu bénira ceux qui me bénissent et maudira ceux qui me maudissent. Alors toute personne qui m'avait maudit le jour de mon mariage et tout démon qui a entraîné la malédiction, qui a transporté la malédiction dans mon foyer le jour de mon mariage, je renvoie ces démons vers l'envoyeur. Donc, dans la famille de celui qui l'a envoyé, je renvoie ces démons dans la famille de l'envoyeur au nom de Jésus-Christ Nazareth. La pierre tombera sur celui qui la roulera. La personne qui a roulé la pierre sur moi pour m'écraser, cette personne, cette pierre va tomber sur elle-même. Et quiconque creuse un fossé tombera dedans. Pour me détruire, lui-même doit tomber dedans. Et il n'y a aucune divination, il n'y a aucun enchantement contre moi, que toutes les activités physiques, spirituelles, ceux qui ont invoqué les démons sur mon mariage, si c'est une fille qui sort avec mon mari, ou bien qui est sortie avec mon mari, et il a laissé le démon sur le corps de mon mari, sur le corps de ma femme, que ce démon, la pierre, l'écrase au nom de Jésus. Je prophétise que toute bonne chose que le mari, la femme de nuit a volée dans ma vie, empêche de m'atteindre, sera restaurée au nom de Jésus-Christ. Toutes ces bonnes choses seront restaurées dans ma vie au nom de Jésus. Si mon mari ne me donne pas, ne me respecte pas, ne me nourrit pas, ne prend pas soin de moi, seulement, démon dominateur, je t'ordonne de quitter ce foyer. Je brise la fondation et je reconstruis une autre fondation. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je confesse et possède ma délivrance totale de la servitude du mari ou de la femme de nuit. Et je scelle ma liberté divine avec le sang de Jésus. Je scelle ma liberté divine avec le sang de Jésus. Tu dois remercier le Seigneur Dieu, car il va intervenir dans ton mariage à travers ce point de prière. Dis à haute voix, j'ai détruit toute chose qui se dressera maintenant entre mes prières et moi, au nom de Jésus. Entre mon mari et moi, au nom de Jésus. Entre mon fiancé et moi, au nom de Jésus. Entre l'argent de mon foyer et moi au nom de Jésus. Entre l'amour du foyer et moi au nom de Jésus. Entre la santé de ce foyer et moi au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Toutes mes propriétés matrimoniales sur lesquelles la femme étrange, une femme étrangère, c'est-à-dire hors de mon foyer, un homme étranger, hors de mon foyer, peut-être l'homme qui sortait avec ma femme, l'homme qui avait dévergé ma femme auparavant, ou bien la personne qui a dévergé mon mari, la femme qui a eu les premiers rapports sexuels avec mon mari, a volé son étoile et j'ai épousé un homme qui était presque un vase vide. À partir de cet instant, que ce vase soit rempli au nom de Jésus, que ce vase déborde de joie, de paix, de richesse au nom de Jésus-Christ Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, j'enlève la paix, l'harmonie, l'unité, l'amour et la continuité entre les mains de ce mari de nuit, entre les mains de cette femme de nuit qu'il a volée. Et je ramène ça dans mon foyer. Je ramène l'amour, je ramène la continuité, l'harmonie, l'unité au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je me dresse contre tout pouvoir de la polygamie qui pousse mon mari à chercher d'autres femmes au nom de Jésus-Christ, à épouser, à avoir des intentions de chercher d'autres femmes, d'épouser une autre femme. Toutes les flèches spirituelles maléfiques tirées par la femme étrange présentement, tirées par une autre fille présentement, toutes les nourritures, la nourriture qui a été donnée. J'ai dit la nourriture qui a été donnée par un sorcier, une sorcière. La nourriture qu'on a envoûtée. On a envoûté mon mari. On a envoûté mon garçon. On a envoûté mon mari avec la nourriture. Une nourriture envoûtée. J'ai détruit cet envoûtement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Présentement, dans mon mariage, je lâche la puissance du Saint-Esprit contre cet envoûtement au nom de Jésus. Que la confusion soit dans le camp adverse. La femme qui a envoûté mon mari avec la nourriture, la femme qui a envoûté ma femme avec la nourriture, avec l'argent, l'homme qui a envoûté ma femme avec l'argent, les billets de banque, ou bien par les rapports sexuels, les envoûtements par les rapports sexuels, physique, les rapports sexuels spirituels, dans les rêves, je brise tous ces envoûtements par la puissance du Saint-Esprit, que la divination irréparable qui est entrée dans ma maison, tu dois donc à partir de cet instant, au nom de Jésus, prononcer les noms même des féticheurs que tu as rencontrés. Lorsque tu es allé consulter les féticheurs pour un garçon, pour un homme, pour une femme, pour une fille, et tu as consulté des 10 heures de bonne aventure, tu dois indiquer leur nom, le lieu, tu commences à détruire ces démons, ces lieux, parce que tu les connais, au nom de Jésus-Christ Nazareth, et tu invoques, parce que la Bible dit, les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut, et comme tu as hérité le salut, ces anges-là doivent se mettre au travail, pour détruire, pour annuler. Dis-toi-même, j'annule tout jugement maléfique qui va à mon encontre, dans mon mariage, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui empêche la manifestation de ma restauration dans mon foyer, quitte au nom de Jésus. Ce qui m'empêche de trouver l'homme de ma vie, de rencontrer la femme de ma vie, que cette barrière, ce rocher, soit ôté de ma voie, soit ôté sur ma piste, au nom de Jésus-Christ. Tonnerre et feu de Dieu, commencez à faire disparaître, à brûler jusqu'au morceau. Toute forteresse de la femme étrange, de la femme de nuit, de l'homme, des sorciers qui ont eu des rapports sexuels avec moi. Si quelqu'un m'avait donné de l'argent à envoûter, tu es une femme, quelqu'un t'a donné de l'argent à envoûter pour exploiter tes chances, que les démons énergissants, la liaison entre toi et cet homme soit détruit au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le sang de l'Alliance. Le sang de l'Alliance, le feu du Saint-Esprit de Dieu doit se manifester dans ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et tu dois continuer à prier. Ce sont des prières. Tout voile maléfique, ce qu'on appelle les toiles d'araignée. Quand tu passes quelque part, il y a toujours des toiles d'araignée qui enveloppent ton visage. Cette toile d'araignée représente quoi? Représente le charbon sur ton visage. C'est pourquoi même ton mari ne t'aime plus. Même les hommes qui veulent faire leur vie avec toi ne parviennent plus. L'homme fait des promesses de mariage. Après, il prend la fuite. Il ne veut plus te voir. Il ne veut plus entendre. À cause, parfois, quand tu, même dans ta propre maison, tu viens de passer quelque part, et quand tu reviens, il y a une toile d'araignée qui enveloppe ton visage. Mais tu ne comprends pas, tu ne vois pas. C'est seulement, c'est démon, et parfois c'est le vampire convenu qui fait ce genre de travail. Nous allons revenir sur lui, mais cette toile d'araignée est lavée, brûlée, lavée par le sang de Jésus-Christ, brûlée par le feu du Saint-Esprit, le feu de l'Alliance, que tout voile maléfique couvrant ton visage soit détruit, qui pousse les hommes à te rejeter, qui pousse les femmes à te rejeter, qui pousse l'argent à te rejeter, qui pousse la richesse à te rejeter, qui pousse la prospérité à te rejeter, à rejeter votre foyer, à la santé à rejeter votre foyer. Que les pierres de feu de Dieu repèrent la tête du serpent, repèrent la tête du serpent familial. Dans votre famille, le totem c'est le serpent. Le totem c'est le serpent. Et ce serpent a avalé tous les mariages. C'est pourquoi dans votre famille, les filles ne se marient pas. Et si elles se marient, elles vont souffrir dans le foyer. Elles vont souffrir dans le foyer. Et c'est à cause de ces serpents. Il y a un serpent dans votre famille qui vous rend malade. Qui vous rend malade par la puissance du Saint-Esprit. Il couche avec vous. Le feu du Saint-Esprit, j'ordonne à ce serpent de quitter. De quitter, de vomir ton argent. L'argent devient de plus en plus rare. Il n'y a pas de projet entre toi et ton mari. Il n'y a pas de projet familial au cours d'une année. Vous ne pouvez pas s'entendre, s'asseoir pour s'entendre sur un projet. Et vos causeries finissent toujours en queue de poisson. Et ceci entraîne des problèmes dans la vie. Que toute humiliation venant de ton mari, le démon d'humiliation qui est entré. Ton mari aime t'humilier. Et toi aussi tu aimes humilier ton mari. Vous passez le temps à vous humilier l'un contre l'autre. Vous passez le temps à dévoiler les choses même qui se passent dans le foyer. Vous passez le temps à exposer ce qui se passe dans le foyer. La femme va exposer la vie du foyer dans sa propre famille. L'homme va exposer la vie du foyer dans sa propre famille. Et c'est ainsi que le démon seulement est en train de vous détruire. Vos frères connaissent vos vies. Vos sœurs connaissent votre vie. Vos sœurs connaissent votre vie, vos frères connaissent votre vie, les parents connaissent votre vie, les oncles connaissent, et vous-même, vous dévoilez tout ce qui se passe dans votre foyer. Au nom de Jésus-Christ, à partir, vous attirez, vous aviez livré votre foyer entre les mains des sorciers, et ils parviennent à détruire votre santé, à détruire votre argent, à détruire votre prospérité. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'Alliance, le feu du Saint-Esprit, tout ce que tu as bu dans les boissons, on t'a envoûté pour quitter ton mari, pour quitter ta femme. On t'a envoûté avec les boissons, la bière, le vin rouge, les sucreries et autres. On t'a envoûté avec la nourriture, selon les images qu'on a regardées tout à l'heure, par la puissance diabolique, au nom de Jésus. On t'a envoûté avec des cadeaux. Un homme t'avait fait cadeau, tu as commencé à penser à cet homme. Une femme t'avait fait cadeau, tu as commencé à penser à cette femme. Et tu as oublié les fiançailles, tu as oublié le mariage par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Que toutes les habitations, toutes vos habitations, vos maisons, vous êtes venu d'intégrer une maison, d'acheter ou de louer une maison. L'ancien propriétaire, l'ancien locataire a laissé des démons dans cette maison. Qui déstabilise aujourd'hui votre foyer, qui déstabilise aujourd'hui votre relation, dans le domaine de la santé, dans le domaine financier. Vous ne savez même plus où mettre la tête depuis que vous habitez cette maison. Votre vie est en dents de scie par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Depuis que tu as voyagé, depuis que vous avez voyagé, vous êtes parti de votre pays, mais rien ne marche dans votre vie, rien ne marche dans la vie professionnelle, dans les affaires. On parvient toujours à vous escroquer. On parvient toujours à rejeter vos offres. On parvient toujours à vous humilier. Le sang de Jésus. Je démantèle la tête de tous mes Goliaths. De tous mes Goliaths au nom de Jésus dans le foyer. Tous tes Goliaths dans le foyer sont déjà détruits. Tous les pouvoirs et esprits ressemblant à des serpents sont déjà détruits au nom de Jésus. Toutes les propriétés de l'ennemi dans tous les démons des domaines de ta vie. Reçoivent le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je défie la racine du dépôt de tout esprit du serpent dans ta famille maternelle, dans ta famille paternelle, la famille de l'homme, la famille de la femme, toutes ces deux familles, la famille de ton père, la famille de ta mère, des familles démoniaques, des familles de sacrifices, des familles de sorcellerie, tous ces liens doivent être brisés. Je vomis le poison que j'ai mangé. La femme qui t'avait empoisonné pour attirer ton cœur, pour attirer, attaché. Elle a même attaché par le cadenas, attaché par la nourriture, attaché par le sexe, attaché au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit descend. Toute pollution du serpent dans ta chair, toute pollution du serpent dans ta vie, affectant ta santé, soit évacuée de ton système au nom de Jésus-Christ. Tout système, toute blessure infligée sur ton mariage par les démons, par les serpents, par les scorpions, par ces démons qu'on appelle seulement, doit être détruit au nom de Jésus. Tout crachat que tu as avalé, quand tu as embrassé une fille, c'était une sorcière, et tu as embrassé, tu as avalé ses crachats. Quand tu as embrassé cet homme, c'était un sorcier, et tu as avalé ses crachats, et c'était une alliance. Et ta langue aujourd'hui, quand tu demandes, te donne pas. Quand tu demandes, te donne pas. Quand tu parles, t'écoutes pas. Même tes enfants ne t'écoutent pas. Parce que ta langue a été livrée. Ta langue a été livrée. Cette langue doit être sanctifiée, délivrée par la puissance du Saint-Esprit, délivrée par le pouvoir de Jésus-Christ Nazareth. Que toutes les activités du serpent dans chaque domaine de ta vie soient totalement paralysées au nom de Jésus-Christ. Dorénavant, qu'aucun ennemi ne te dérange, car tu portes sur toi les marques du sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Père éternel, tu dois dire maintenant, Père éternel, je te remercie d'avoir restauré la joie de mon mariage, d'avoir restauré la joie de mon mariage par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth, de m'avoir mis sur le chemin l'homme qui doit m'épouser, la femme qui doit m'épouser, d'avoir révélé ces choses au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Cette quatrième journée de prière, c'est la quatrième journée de prière. Et donc, il faut attendre la deuxième partie, la cinquième, ça va toucher, ça va traiter toujours les problèmes touchant le même démon. Seulement. Parce que nous ne sommes qu'au début. Parce que le mariage, c'est le fondement. Ne ratez pas un seul instant, une seule vidéo, depuis la première vidéo jusqu'à la dernière. Parce que nous sommes déjà à la quatrième vidéo. Alors, vous devez absolument rester attaché à ce programme. Partagez les vidéos à vos frères, à vos sœurs. Elles ont besoin aussi de la délivrance. Elles ont besoin aussi du succès. Elles ont besoin aussi de la guérison. Et la cinquième vidéo, ça sera les prières très agressives. Très agressives. Très, très agressives. On va d'abord dénoncer. Dénoncer. Vous devez partager. Et en même temps, s'abonner sur notre chaîne. Le Temple des Nations sur YouTube. Le Temple, il faut s'abonner. Vous voyez, au bas de cette vidéo, c'est là en rouge. Vous cliquez tout simplement, s'abonner. Quand la vidéo arrive, alors vous êtes également averti. C'est très important. Et il y aura des enseignements précis sur la démonologie. Ça, c'est mon domaine. Parce que je suis passé par là. Lorsque Dieu a sauvé, a pris Moïse. Moïse, voyez la technique de Dieu. Moïse est né hébreu. Mais il envoie Moïse dans la maison de Pharaon. Et il enlève Moïse, il envoie au désert pour rencontrer Moïse et le renvoyer, délivrer les Hébreux. Pourquoi il n'a pas pris quelqu'un qui était déjà là, qui vivait sur la terre égyptienne pour délivrer? Qui était esclave là. Non, il a pris Moïse, il l'a envoyé dans la maison. Comme aussi, je suis allé dans les profondeurs, pas pour... C'était la volonté de Dieu. Dieu savait qu'il allait m'appeler. Il m'a appelé avant que je ne sois dans le ventre de ma mère. Il savait que j'allais faire ce travail. Il y a beaucoup qui font ce travail parce qu'ils ont appris, ils ont seulement entendu. Ils ont entendu et ils sont prêchés sur les démons et disent, moi aussi je veux prêcher. Mais entre un spécialiste et un généraliste, c'est pas la même chose. Ce n'est vraiment pas la même chose. faites toujours la différence. Voilà, c'est pourquoi je vous demande de partager cette vidéo et de suivre toutes les vidéos. Ça, c'est la quatrième. La cinquième arrive. N'oubliez pas, tous ceux qui sont en train de suivre, qui vivent en Occident, le 2 février, le 3 février, le 4, un grand séminaire. La Bible précise que ils ont reçu le Seigneur, ils ont persévéré dans l'enseignement. Maintenant, vous recevez l'enseignement, mais là-bas, on a encore plus de temps à prier. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Lorsque ton mariage ne marche pas, c'est une maladie aussi. Lorsque tu es pauvre, c'est une maladie. On doit prier sur toi, on doit te oindre l'huile là. L'huile d'onction est biblique. Si un sataniste dit que c'est pas biblique, les gens qui prêchent contre l'huile d'onction, je ne parle pas de l'huile d'onction que les gens vont chercher en Israël, ce sont des juifs qui ne croient même pas au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est une révélation puissante. Ils imposeront les mains, ils vont chasser les démons. Et chaque dimanche, vous devez être là, au temple des nations. Chaque dimanche, ce dimanche, tous les dimanches à partir de 9h. Tous les dimanches à partir de 9h. Et tous les vendredis, tous les mercredis, des enseignements, des délivrances. Vendredi, mercredi, à 18h. Tous les mercredis, tous les vendredis à 18h. Et aussi donc, l'adresse est là, au bas de votre vidéo, 47 avenue du Général Delanne, au 95-330. Au 95-330. Vous ne devez pas rester à la maison, n'écoutez pas les sorciers qui vous disent écoutez les enseignements à la maison. Non, l'Église a commencé. Jésus-Christ qui est le patron de l'Église. C'est lui qui a envoyé. Nous construisons sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Mais les sorciers vous diront, non, n'écoutez pas, n'allez pas dans les églises, on va... Non, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Vous avez été victime de la sorcellerie si vous écoutez ce genre de soi-disant enseignement. Voilà ce que je peux vous dire à propos de cette vidéo, la quatrième, et de nos séminaires, notre séminaire qui commence le 2 jusqu'au 4. Vendredi le 2, samedi le 3, et le 4 dimanche. Ça sera terrible. Ne manquez pas, même si vous êtes Bruxelles, Suisse, n'importe quel pays du monde, venez. Et vous nous suivez, vous devez venir. Même si vous êtes en Afrique, allez au Temple des Nations Cameroun. Temple des Nations Cameroun, tous ceux qui sont au Cameroun, allez au Temple des Nations Cameroun. Temple des Nations Douala, Yaoundé, que la grâce de Dieu soit sur vous tous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.